Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. On va parler des Saguenay de Chicoutimi avec Charles Tremblay qui est de Saint-Félicien qui s'apprête à disputer son premier camp d'entraînement avec les Saguenayens. Question de savoir un peu comment on l'a fait avec Jérôme Gravel hier de Chambord. Question de savoir un peu comment il s'est préparé tout au long de l'été, on lui parle. Salut Charles! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Charles, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu te préparais pour le camp, tu avais été repêché. Là, j'imagine qu'on a travaillé fort pour, à tout le moins, impressionner Yannick Jean et toute l'organisation des Sacs. Oui, j'ai eu une très, très grosse été. Écoute, j'ai pas eu beaucoup de repos, c'est sûr, mais je pense que ça va à peine. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme entraînement? Dans le fond, souvent, je me levais le matin assez tôt. OK. Souvent vers 7h, 7h30, parce que se lever trop tard, c'est pas nécessairement bon. Et puis, je me couchais tôt le soir, c'est important aussi. Après ça, je me levais le matin, mettons une journée traditionnelle, je me levais, je mangeais un bon déjeuner, assez gros déjeuner, hein, santé surtout. Après ça, j'allais courir. OK. Ensuite, de ça, je prenais une collation chez nous. Je relaxais un peu durant l'après-midi. J'avais de la glace une fois par semaine. Puis le soir, j'allais m'entraîner, là, mettons, de 6h30, 7h jusqu'à, mettons, 8h30, 9h. C'était un 2h d'entraînement soir assez intense. OK. En gym de musculation. Le but, c'est de prendre de la musculation. C'est quoi, en fait? C'est ça. Ben, dans le fond, tout au long du mois de mai, juin, mon but, c'était de prendre de la masse musculaire. Fait que pour réussir ça, dans le fond, il faut que tu t'entraînes vraiment avec des charges plus grosses et puis des séries plus courtes. Après ça, il faut que tu manges bien, il faut que tu dormes beaucoup. Ça, c'est important aussi. C'est toute la recette pour prendre de la masse musculaire. Ça, c'est mai puis début juin. Après ça, quand tu arrives autour du 20-25 juin, là, tu commences à être un peu plus en mode cardio, un peu plus en mode là, vraiment pour te mettre en forme, là, okay, des séries plus longues avec des charges moins élevées. Okay. Puis vraiment tout ça dans le but d'arriver là-bas en forme. OK. Là, c'est quoi tes objectifs cette saison? Est-ce que les Saguenayens, est-ce que c'est une possibilité? C'est sûr que tu es un choix de repêchage lointain. Tu n'as pas joué beaucoup de gros midgets l'an passé, tu as joué avec les élites. J'imagine que c'est d'impressionner le plus possible, mais les élites restent une forte possibilité. Hein? Oui, c'est sûr, les élites restent une possibilité, mais moi, honnêtement, mon but en me présentant là-bas, c'était justement de causer une surprise. Écoute, on en a vu des surprises, on en a vu des joueurs invités à des cas seulement, puis qui ont réussi à faire l'alignement. Moi, je pense, puis j'ai toujours dit ça dans ma manière de penser, c'est que la ronde rendue au camp, elle importe vraiment pas beaucoup. Je veux dire, quand même, que tu sois repêché deuxième ou quatorzième ronde, tu sais, les gars, on fait toute la même pratique, on fait toute la même game, on joue contre les mêmes personnes. C'est tous des gars de 16, 17 ans qui sont à leur première chance et qui veulent tout donner pour faire l'équipe. Je pense que tout le monde est au même pied. Là. OK. Est-ce que Charles, si on parlait un peu, t'as-tu parlé à Yannick Jean? Puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, tu n'avais pas encore parlé à Yannick. Est-ce que tu y as parlé, là? Oui, j'y ai parlé une couple de fois durant l'été. Là. Je l'ai aidé avec son camp ouais, de développement avec les jeunes élites à Saint-Félicien, je l'ai aidé à la paix. Et puis oui, j'ai eu l'occasion d'y parler à quelques reprises. Il parlait surtout de mon été, comment ça allait. Puis il y a aussi des membres du personnel des Saguenay qui m'ont appelé au courant de l'été pour savoir comment j'allais, puis mon entraînement, si ça allait bien tout, si j'avais des questions. Puis c'est ça. OK. J'imagine que là ça commence après-midi, le camp d'entraînement? Oui, c'est ça. Dans le fond, l'arrivée des joueurs est à 2h au Saint-Georges-Lisbonne. Et puis ce soir, on a une pratique de prévu à l'horaire. Puis demain, là, quand les recrues commencent. Es-tu bien nerveux face à tout ça? Ben, c'est sûr que je suis un petit peu nerveux. T'sais. C'est un petit stress du départ parce que c'est un peu du jamais vu. Je veux dire, j'ai jamais eu de camp junior majeur. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas que j'arrive là-bas stressé. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire parce que quand on est stressé, on joue moins bien. On pense trop. Puis ça amène un peu des moins bons résultats. J'essaie de pas me mettre de pression du tout, puis de pas être stressé, puis d'aller là-bas encore une fois pour m'amuser. OK. Est-ce que tu penses que tu vas jouer le... Ben là, il est encore trop bonheur. Tu vas avoir les confirmations la semaine prochaine. Mais tu sais qu'il y a un match en concours ici à Dolbeau-Missassini entre les Sags et les Remparts. Il est encore trop tôt pour savoir si tu vas jouer? Oui, il est encore trop tôt, c'est sûr. Mais écoute, mon objectif, comme je t'ai dit, c'est de me rendre à la fin du camp. Puis finalement, à la fin du camp, c'est sûr, je vais passer par la tête de la game à Dolbeau. Mais écoute, c'est sûr que je ne le cacherai pas. J'espère jouer à Dolbeau. Mais en même temps, je me mets pas de pression avec ça. Mon but, c'est de jouer avec les Saguenay, point. OK, OK. Ben Charles, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ça va être pas mal le fun de te suivre également. Il y a quand même quelques joueurs du haut du lac. Là. Il y a toi, il y a Washish, Jérémy Fortin également. Ça va nous faire des joueurs à surveiller tout au long de la saison et du camp d'entraînement des Saguenay. Oui, merci beaucoup, Danny. Voilà, Charles Tremblay des Saguenay de Chicoutimi.